annulée. Ça n'est pas possible, honnêtement, aujourd'hui. Parce que cela peserait sur nos finances publiques d'un coût excessif. Je vous le dis honnêtement et franchement, comme on doit se parler entre amis. Donc, cela, nous ne pourrons pas le faire. Le gouvernement français est prêt à annuler immédiatement les intérêts de cette dette. Et deux jours plus tard, réaction au micro de RFI du président du Mali, Alpha Oumar Konaré.